الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Serviteur d'Allah, Allah Ta'ala nous a créés pour que nous l'adorions et que nous lui donnions aucun associé. Il a dit, je n'ai créé les djinns et les humains rien que pour m'adorer. Et il a dit, subhanahu wa ta'ala, dans le sens des versets, on ne leur avait pourtant ordonné que d'adorer Allah sincèrement en lui vouant un culte pur. Aujourd'hui, nous allons énoncer une histoire qui est arrivée après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, dans laquelle il y a un hadith, une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapportée. Cette histoire, elle est rapportée dans plusieurs livres véridiques, des recueils de hadiths comme le Sahih de Muslim ou bien les Sunan. Et la version qu'on va rapporter aujourd'hui, elle est dans Sunan al-Tirmidhi. Et c'est une version véridique. Avant de rentrer dans cette histoire, on va parler du sujet dont cette histoire va traiter. L'associationnisme caché, le polythéisme caché, qui est ria, l'ostentation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, concernant l'ostentation, voulez-vous que je vous dise la chose dont j'ai le plus peur pour vous, plus que le faux messie? Il a dit le polythéisme caché. Que la personne se lève et il embellit sa prière parce qu'une autre personne le regarde. Il a aussi dit, sallallahu alayhi wa sallam, à son compagnon Abu Bakr al-Siddiq, radiyallahu anhu, le polythéisme chez vous est encore plus caché que les pas d'une fourmi. Et je vais t'indiquer une chose, que si tu l'as fait, Allah Ta'ala va éloigner de toi le petit et le grand polythéisme. Il lui a dit, dis, Ya Aba Bakr, dis, Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Si on a compris le danger de ce polythéisme, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait plus peur pour nous de ce polythéisme-là, que du faux messie. Alors écoutez l'histoire qui est arrivée après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ce shirk-là, regardez qu'est-ce qu'il a fait sur les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un homme qui s'appelle Shufayl al-Asbahi est venu à Médine. Quand il est arrivé à Médine, il a trouvé les gens attroupés autour d'une personne qui est en train de leur parler. Il a demandé qui est cette personne. Ils ont dit, c'est le compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abu Huraira. Alors il s'est approché de lui. Quand il a fini de parler aux gens, il s'est isolé avec lui. Il a dit, je te demande par Allah, tu vas me citer un hadith que tu as entendu toi-même de la bouche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que tu connais bien et que tu as bien retenu et que tu as bien compris. Abu Huraira radiallahu anhu, il a dit, je vais le faire. Je vais te raconter un hadith que j'ai entendu de la bouche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que j'ai bien retenu et que j'ai bien compris. Il a commencé à vouloir parler, sa respiration s'est coupée, il a failli s'évanouir. Quand il a retrouvé raison et sa respiration, il a dit, je vais te parler d'un hadith que j'ai entendu de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette maison. Il était où quand il a dit dans cette maison? Dans la mosquée de Médine. Dans cette maison, c'est-à-dire la maison du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y avait que moi et lui dans cet endroit-là. Et encore, sa respiration s'est coupée, il a failli s'évanouir. Quand il a retrouvé son souffle, il a repris une troisième fois. Je vais te raconter un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit dans cette maison, alors qu'il n'y avait que lui et moi. Quand il a voulu parler, sa respiration s'est coupée, il s'est encore évanoui, il a retrouvé son souffle, il a revoulu parler, une quatrième fois sa respiration s'est coupée, cette fois il a failli tomber sur le visage. Alors Shufayl a dit, je l'ai retenu, je l'ai mis sur mon épaule. Quand il s'est réveillé, il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a dit dans cette maison, alors qu'il n'y avait que lui et moi. Quand Allah va descendre le jour du jugement dernier pour juger entre ses créatures et que toutes les communautés vont être agenouillées, on va ramener trois catégories de personnes. le savant, l'homme généreux et celui, le martyr, le combattant, fi sabilillah, dans le sentier d'Allah. Alors Allah va dire au savant, ô toi, est-ce qu'on t'a pas enseigné ce qu'on a révélé à nos messagers comme preuve et guidé? Il dit, oui, ya Allah. Il a dit, qu'as-tu fait de ce que je t'ai enseigné? Il a dit, je l'ai enseigné aux gens, je le mettais en pratique, nuit et jour. La nuit, je priais, la journée, je l'enseignais. Et Allah va lui dire, tu es un menteur. Et les anges vont lui dire, tu es un menteur. Et Allah va lui dire, tu as fait tout cela juste pour que les gens disent, tu es un savant. Effectivement, ils l'ont dit et il sera traîné en enfer. On va ramener le généreux qui a dépensé tous ses biens dans le sentier d'Allah. Allah Ta'ala va lui dire, ô toi, est-ce que je ne t'ai pas enrichi jusqu'au point où tu n'avais pas besoin des autres? Qu'as-tu fait de cet argent que je t'ai donné? Il dit, ah Allah, j'ai lié les liens de parenté, c'est-à-dire j'ai donné à mes proches. J'ai fait des aumônes. Il va lui dire, menteur. Et les anges vont lui dire, menteur. Allah Ta'ala va lui dire, tu as fait cela pour que les gens disent que tu es généreux. Et effectivement, tu as eu ta récompense. Les gens ont dit que tu étais généreux. Et il sera traîné la face en premier en enfer. On va ramener celui qui est mort, martyr sur le sentier d'Allah. Il dit, oh toi, est-ce qu'on t'a pas donné la santé, la force? Il a dit, oui Allah, qu'en as-tu fait? Il dit, quand j'ai appelé, j'ai entendu ton appel, aller combattre sur le sentier d'Allah. Alors j'ai répondu à ton appel. Et j'ai combattu jusqu'à ce que je sois mort pour ta cause. Allah Ta'ala va lui dire menteur. Les anges vont lui dire menteur. Et Allah va lui dire, tu as fait tout cela juste pour que les gens disent que tu es courageux. Et effectivement, ils l'ont dit. Et il sera traîné en enfer. Après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a regardé Abu Huraira, il lui a tapé sur son genou, il lui a dit, ya Abu Huraira. Voilà les trois premiers par lesquels on va allumer et attiser l'enfer. Shufay al-Asbahi, c'était un habitant du Sham, de Damas, sous la gouvernance de Muawiyah ibn Abi Sufyan, radiyallahu anhu wa an abi. Quand il est retourné à Damas, il y avait les compagnons de Muawiyah dans son palais, et Shufay est arrivé. Il lui a dit, j'ai un hadith à te rapporter, ya Muawiyah. Quand il lui a rapporté le hadith, Muawiyah a commencé à pleurer, jusqu'à presque s'en évanouir. Il lui a dit, si ces trois personnes, on va faire ça le jour du jugement dernier, ça c'est l'état de ces trois personnes-là qui sont les trois meilleurs de la communauté. Que va-t-on faire de nous? Serviteur d'Allah, regardez un peu comment les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient des cœurs vivants. Comment ils étaient touchés par les nouvelles de l'au-delà. Comment ils n'étaient pas sûrs d'être sauvés le jour du jugement dernier. Comment ils se remettaient en question. Ils sentaient qu'ils étaient manquants vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'ils ont dépensé et ils ont sacrifié leur vie sur le sentier d'Allah. Et encore, ils avaient peur pour leur personne. Ce hadith, il a fait évanouir Abu Huraira 4 fois avant de le raconter. Et il a fait pleurer Muawiyah radhiyallahu anhu jusqu'à qu'il en perde connaissance presque. Alors que c'était les meilleurs des hommes après les prophètes. Et nous? Qu'avons-nous devancé pour l'islam? Et on se sent en sécurité d'entrer au paradis le jour du jugement dernier. Ce hadith, il nous enseigne que les trois meilleures personnes de la communauté, qui sont le savant, qui sont celui qui dépense pour les besoins de la communauté, qui sont celui qui combat sur le sentier d'Allah. Ces trois personnes, s'ils sont pieux, s'ils sont sincères, s'ils sont sur le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par la cause de ces trois catégories de personnes, la communauté s'élève et l'État islamique est fort. Mais si au contraire, ces trois personnes ne sont pas sincères, ils cherchent les biens éphémères de ce bas monde, ils cherchent des postes, ils cherchent l'ostentation. Ils cherchent autre que le visage d'Allah. Ils suivent un chemin autre que le chemin du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Alors, ce sont les trois premiers qui méritent le châtiment le jour du jugement dernier. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a donné dans un hadith véridique. La chose dont j'ai le plus peur pour vous après moi, plus encore que le faux messie, ce sont les imams qui égarent les gens. Ils sont plus dangereux pour la communauté que le faux messie. Les gens qui viennent faire des fatawas, haddama, qui détruisent l'islam de sa base, qui contredisent le Coran et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. D'ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a annoncé que l'un des signes de la fin des temps, la science va diminuer. Alors, on lui a demandé, est-ce que la science va partir, Allah va l'arracher de la poitrine des gens au messager d'Allah? Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit non, Allah va faire partir la science par la mort des savants, quand les savants meurent. Puis, les gens vont prendre à leur tête des imams égarés, qui vont leur faire des fatawas, des fatwas égarés, qui vont s'égarer eux-mêmes et égarer les gens. Et subhanallah, combien aujourd'hui, malheureusement, on est éprouvé par cela. Des gens qui prennent le mimbar et qui parlent sans science, qui sont sous les projecteurs et qui parlent de l'islam sans science, ou bien qui cherchent des biens éphémères de ce bas monde, des gratitudes auprès des riches, ou auprès des politiques, ou auprès de qui que ce soit, et ils ne cherchent pas dans ce qu'ils disent le visage d'Allah. Et ils déforment la réalité de l'islam, et malheureusement, une majorité de gens les suit. Pour finir, comme ce hadith a touché les cœurs et les poitrines des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il y a un rappel en cela pour celui qui a un cœur vivant et qui écoute attentivement et qui est présent, le rappel il sera pour lui profitable. Fanas'Allah tabaraka wa ta'ala yuwaffiqna jami'an lima yuhibbu wa yardah, walhamdulillahi rabbil alamin.